Si ou te connais, j'en mouais même. Mon patati go pas besoin. On a vidéo ceci, cela. Au cas pour moi, caca. Si c'est pense qu'on peut pas travailler, on voulait comprendre pour abuser. Je dis qu'on met le sang ouvré. Yo, je dois regretter. Souffrir comme ça. Fait aller, maman. Fait aller, maman. Fait aller, maman. Oh. Si ou te connais, j'en mouerais bien. Ou pas fatigue, ou pas besoin. On a vu tout ceci, cela. Ou qu'à pas moindre à cas. Si se pense qu'on peut pas travailler. Ou fait comprendre pour abuser. Je dis qu'on met tout ça gouflé. Et un jour, on va regretter. Fais me souffrir comme ça. Fais aller, maman. Fais aller, maman. Fais aller, maman. Oh. Oui, maman. Ce qu'elle est, Kéké. Oui. somnambule.